il est temps de faire le bilan, de poursuivre l'aventure qui nous lie depuis plus de 10 ans. Comme une belle imposture. À ma mauvaise fortune et j'emmerde ceux qui ce jour-là regardent vers la lune. Je revendique sans état d'âme mon état de grâce, avoir pris mes distances avec la mauvaise fortune. Et si des astres morts s'écrasent dans ma surface, comme un gros salopard je détourne les yeux vers la lune. J'encule mon ex-employeur, je sodomise mon ex-directeur. Après mon petit déjeuner de bière, aujourd'hui, du haut de son ex-puissance, qu'il est un peu l'artisan aussi de ma renaissance. Télécar-monde font de nous des êtres avariés qui s'exhibent dans un cybermonde.